funny, funny, funny, funny. Bounce. Bang, bang. Yeah. J'achète ce que je veux, qui je veux, où je veux, quand je veux. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. Rolex, Patek Philippe, Audemars, gros c'est fini. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. La carte grise est à mon nom. La carte grise est à mon nom. Contrôle de cœur, ils veulent quoi ces cons. La carte grise est à mon nom. Cabaye sort la Vezzi, tu rentres. Pastoré sur la touche, fouini passe avant-centre. J'ai rien grave mais j'en ai dans le ventre. Fouini, escale BS, les frères au bicrave corner mettent la thune au centre. Sarko est une grosse merde, Hollande ne vaut pas mieux. Sur le terrain, les petits fument l'herbe. Triste décor comme un rifle. Gagarine, collège, village, j'bicravais au surpayant. Trop haineux depuis mon plus jeune âge, gâche leur vie en m'observant. J'achète ce que je veux, qui je veux, où je veux, quand je veux. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. Rolex, Patek Philippe, Audemars, gros c'est fini. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. La carte grise est à mon nom. La carte grise est à mon nom. Contrôle de cœur, ils veulent quoi ces cons. La carte grise est à mon nom. Trop de pistons, ils ont de la chatte. Ils disparaîtront comme un Snapchat. Quelques feuilles, c'est des C4. Ils sont tous en chien, mais plus de la chatte. La carte grise est à mon putain de blaze. Là, je te parle pas d'un X-Max. Flow électrique, car les keufs nous tassent. Je reviens à la base et si je pète un câble, la carte grise est à mon nom. Sois carré ou tu feras pas un rond. Serre les fesses et tu remontes du parlu. Au stage, je suis suspect comme un barbu. J'ai connu l'Afrique et le palu. Aujourd'hui, merc aux gens, t'as lu, dis-toi que j'achète ce que je veux, qui je veux, où je veux, quand je veux. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. Rolex, Patek Philippe, Audemars, gros c'est fini. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. La carte grise est à mon nom. La carte grise est à mon nom. Contrôle de cœur, ils veulent quoi ces cons. La carte grise est à mon nom. Nasser El Khelaifi, Arbi Flokanri. Arbi Flokanri, Nasser El Khelaifi, Arbi Flokanri. Mi homme, mi Qatari. J'achète même la tâche à riri. Ton équipe c'est de la grosse merde. J'vois la concurrence sur les. Gros le game est fini, y'a qu'à la chicha qu'on voit des têtes brûlées. J'ai chasamé ma chasse d'eau. J'ai pu trouver ton pas mal. Gros mon coffre c'est ton capot. R8, Fefe, Lambo, j't'ai dit. J'achète ce que je veux, qui je veux, où je veux, quand je veux. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. Rolex, Patek Philippe, Audemars, gros c'est fini. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. La carte grise est à mon nom. La carte grise est à mon nom. Contrôle de cœur, ils veulent quoi ces cons. La carte grise est à mon nom.